Bonjour à tous et bienvenue dans Questions pour un Gépant. Je suis Bibou, je serai votre présentateur et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux candidats. Madame Bimounette, bonjour. Bonjour Monsieur Bibou. Alors Bimounette, vous avez 53 ans, vous êtes secrétaire médicale récemment licenciée pour faute professionnelle. Tout à fait, volontaire. D'accord, très bien. Et je vois dans mes fiches qu'un de vos loisirs principaux, il va falloir m'expliquer un petit peu tout ça, Bimounette. Bien sûr. Vous êtes gobeuse de mouches, ça consiste en quoi? Alors, gobeuse de mouches, ça consiste surtout en été à s'asseoir dans un endroit où il y a beaucoup de mouches, à attendre qu'il y en ait beaucoup, et là, il faut sortir sa langue très vite. D'accord. Pour attraper les mouches. Ok, vous faites ça depuis longtemps? Je fais ça depuis 1899. Très bien, ok, ouais. Ok. Et j'ai le plaisir d'accueillir un autre invité, le docteur Zaius. Docteur Zaius, vous avez 23 ans, vous êtes également secrétaire médical, mais vous, à la différence, vous avez conservé votre emploi. Oui, tout à fait, car je suis très compétent. D'accord, ok, très bien. Alors, je vois aussi sur mes fiches que vous êtes collectionneur. Vous êtes collectionneur de magnettes Région de France, Cordon Bleu, le Gaulois, mais uniquement ceux de la Sarthe. Oui, tout à fait. Depuis 1988, c'est parce que j'aime beaucoup Monsieur Fillon. D'accord, vous avez combien de magnettes de la Sarthe en votre possession? J'en ai à peu près 3978. D'accord. Wow, bravo. Très bien. Très très bien, bravo. Okay. Alors si ça vous va, nous allons commencer le jeu. Et nous allons commencer par vous, monsieur Zaius. Tout à fait. C'est parti. Alors, suite à la réforme territoriale, combien la France métropolitaine compte-t-elle de régions? Alors attendez, ça a changé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je crois qu'il y a un ancien territoire qui maintenant est devenu un département, donc je serais tenté de dire le Gépan, j'espère pas dire de bêtises. C'est une excellente réponse. Bravo, je le savais. Bravo. Voilà, j'ai jamais douté. J'ai hésité avec le Gépan, mais franchement, bravo. Ah, ça aurait pu. Bibounette. Oui. Quel objet du quotidien le graphiste Robert Kalina a-t-il été chargé de décliner en 7 motifs différents? 7 motifs, on est d'accord. C'est facile. J'hésite. Mais en fait, non, je vais suivre mon instinct, je vais dire le Gépan. Et non, c'est une mauvaise réponse. Arrête. La bonne réponse était le Gépan. Oh non. Ah oui, mais tout le monde sait ça. Oh ouais, non. Ouais. Le Gépan. Le graphiste, mais oui. Robert Kalina. Le Gépan, voilà, évidemment. Je t'ai su. Ouais. Pas étonnant que vous ayez été licencié. Hein. Ouais. Volontairement en plus. Volontairement. Ouais, enfin bon, c'est ce qu'elles disent toutes. Monsieur Zaius, en 1794, quel baron mort à la bataille de Moscova est à l'origine de l'arrestation de Robespierre? Facile. L'arrestation de Robespierre. Robespierre, hein, vous dites, hein. Oui, tout à fait. 1794. La bataille de Moscova. C'est une excellente réponse. Est-ce que c'est le Gépan? C'était le Gépan. Oh là là, mais bravo. Et vous prenez la main, nous en sommes à 4 points à 7 pour Bibounette. D'accord, yes. Ok. Bon. Bibounette. Oui. Alors, en géométrie, quel adjectif qualifie un angle de 180 degrés? Sans hésitation, le Gépan. C'est une très bonne réponse. Ouais. C'était le Gépan. Parce que je fais souvent des calculs Gépan. Alors, comme c'est Gépan, au carré Gépan, égale Gépan. 180 degrés. Tout à fait. Exactement, bien joué. Merci. Vous prenez la main. D'accord. Docteur Zaius. Oui. En droit civil, quelle locution latine est utilisée pour désigner un bien n'appartenant à personne? J'ai le droit au 50-50? Bien sûr. Alors je dirais le Gépan. C'est une... Alors, donnez votre deuxième proposition. Le Gépan? C'est une bonne réponse. C'était bien, le Gépan. Bravo, franchement bravo. Hein, vous avez eu raison d'utiliser votre 50-50. Moi j'avais hésité avec les autres réponses qui sont le Gépan et le Gépan. Et vous avez bien fait de prendre Gépan, Zaius, bravo. Très beau jeu, très beau jeu. Fair play, c'est fair play Gépan. Bibounette, en médecine, quelle infection virale courante est une inflammation des amygdales? Ah bah ça j'en ai eu souvent étant petite, alors sans hésitation c'est le Gépan. Oui. Ça fait mal en plus, parce que ça se passe au niveau du Gépan. Oui. Et du coup, quand on déglutit Gépan, bah, ça fait Gépan mal. Et on ne souhaite ça à personne. Ah non. Ouais, mais bon, ça c'est à force d'avaler des mouches, hein, excusez-moi. Hein, mais... Monsieur Zaius. Oui. Quelle céréale cultivée en Éthiopie produit des graines parmi les plus petites au monde? Alors elle est difficile, celle-là. Elle est difficile. Ouais, je dois avouer que je ne crois pas que j'ai la réponse. Peut-être que Madame Bibounette là. Ben moi je veux bien vous donner ma réponse, mais peut-être que ce sera pas la bonne. Moi j'aurais dit le Gépan. Bah, écoutez, je vais vous suivre et j'en assume vraiment les conséquences. Oui, je vous fais confiance et je dis le GEPAN. Vous répondez le GEPAN ? Oui, le GEPAN. C'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était le GEPAN. Oh non, je suis désolée. Céréales cultivées en Éthiopie. Je pense que vous avez dû confondre avec la Somalie. Mais c'est... Enfin, c'est pas grave. Je vous en veux la pas. Quoi la Somalie ? La Somalie. Je connaissais le GEPAN, mais je connaissais pas la Somalie. C'est à côté. Bibounette. Oui, tout à fait. Quelle céréale cultivée en Somalie produit des graines parmi les plus grandes au monde ? Bah, le GEPAN. Et non, c'était le GEPAN. Oh non. Ben oui. Mais j'ai cru que c'était. Je suis étonné. Voilà. Je suis étonné. Moi, j'aurais vraiment dit le GEPAN. Hein. Alors, je relis quand même mes. Non, je regarde la régie, tout va bien. Je relis mes J. Cultivé en Somalie, au Grand Monde. Le GEPAN. Non, le c'est GEPAN. Bien. Le GEPAN. Okay, bon, confirmation. Bah, okay. Bah, on aura appris quelque chose. Hein. Ah, bah, tout à fait. C'était le GEPAN. Tout à fait. Alors, Zaius, vous êtes en tête avec un score de 63 points avec, contre 2 pour Bibounette. Ah, bah, voilà. Je savais. J'en étais sûre. Hein. Ouais. Donc, bravo quand même. Et nous avons une dernière question pour le docteur Zaius avant de passer au jeu. Alors, dans la mythologie grecque, quelle Néréide fut changée en fontaine par Artémis afin d'échapper à Alphée ? Oh, bon courage. Alors, elle n'est pas évidente, mais heureusement, j'ai regardé hier soir un documentaire à ce sujet, et donc je réponds sans hésitation, le GEPAN. C'est une très bonne réponse, bravo, c'était le GEPAN. Ouais, bravo. Alors, nous allons donc passer à la manche, le face-à-face. Aha. Vous pouvez donc participer tous les deux, et cela est une épreuve de rapidité. D'accord. Le principe est très simple. Je vais vous donner une définition. Oui. À vous de trouver la bonne réponse. Tout à fait. L'attribution des points sera dégressive en fonction de votre rapidité à répondre. Et Bibounette, vous prenez la main. D'accord. Chaque année, plus de 300 phénomènes sont signalés par cet organisme français. Le GEPAN ? Faux. Oh. Je suis placé sous l'autorité d'un comité de pilotage qui donne au CNES ses recommandations sur les orientations. Je prends la main, c'est le GEPAN ! Faux. Et le fonctionnement que doit adopter le groupe d'études. Je suis créé en 1970. Le GEPAN ! Faux. À l'initiative d'Yves Sillard, alors directeur du CNES. Le GEPAN ! C'est une mauvaise réponse. Afin de répondre à la nécessité d'étudier sérieusement les ovnis. Bibounette, le GEPAN. Ma mission principale est d'élaborer des méthodes d'analyse scientifique, des rapports d'observation des ovnis. Je suis chargé de collecter, d'analyser sommairement. Le GEPAN ? D'archiver, toujours pas. D'archiver des phénomènes aérospatiaux. Bibounette, le GEPAN. Non. Mais aussi d'informer le public à leur sujet. Je suis un acronyme qui signifie groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Mais... je l'ai pas. Bah, le GEPAN. Et non, c'était le GEPAN. Oh putain. Oh, j'aurais jamais trouvé. Mais c'est clair. Un acronyme. Non, mais c'est super chaud. Les questions sont balèzes quand même. Vous aviez toutes les infos ? Ouais. Bah, en plus, on ne peut pas utiliser de joker là. Mais oui. Bah oui. Vous ne gagnez pas de points. D'accord. Docteur Zaius, vous gagnez un point. D'accord. Ah, merci. D'accord. On reprend les questions. Ok. Alors, quel mot peut désigner à la fois une abstinence alimentaire et le Parlement polonais ? C'est qui a la main, du coup ? Docteur Zaius. Le Docteur Zaius, d'accord. Ah, sans grande conviction, je dirais le GEPAN. C'est une très bonne réponse. Waouh, ouais. Bravo. Moi, je savais pas. Je le savais. Bibounette. Oui. En 300 avant Jésus-Christ, quel philosophe a écrit Les Signes du Temps, tout considéré comme le premier ouvrage des prévisions météorologiques ? Tout à fait. Et ça s'appelle le GEPAN. Non, c'était le GEPAN. Oh là là, mais j'ai... Docteur Zaius. Oui. Quel personnage prénommé Balthazar est l'oncle maternel de Donald Duck ? Le GEPAN. Vous avez dit, excusez-moi ? Le GEPAN. Le GEPAN. Le GEPAN, c'est une très bonne réponse. Ouais. Bravo. Bibounette. Oui. Quelle confiserie à base de miel, d'amandes et de blanc d'œuf est une variante espagnole du nougat ? Est-ce que je peux utiliser mon joker du coup Bien sur sûr, cette allez-y. Question ? J'ai hésité avec une réponse, mais je vais demander l'avis de Zaius. D'accord. Est-ce que vous savez cette réponse, docteur Zaius ? Alors. Il se trouve que je parle très bien espagnol. Tout à fait. Donc je répondrai El Repan. El Repan, d'accord. Qu'on peut traduire en français par Le GEPAN. D'accord. Moi, je vous suis. Version espagnole, je vais dire Le Repan. En donc, version française, oui. Le GEPAN. Eh bien non. Oh non. Bah, Bon, c'est incroyable, ça, j'ai vécu un quart d'heure à Madrid. Je sais très bien comment ça se dit. C'était le GEPAN, pourquoi vous n'avez pas écouté votre adversaire ? Mais j'ai complètement écouté, j'ai écouté la version originale en plus. El Repan. C'était donc le GEPAN en espagnol, El Repan. El Repan, si. D'accord. Oh là là, docteur Zaius, encore deux questions. Si. En psychiatrie, qu'est-il difficile, voire impossible, de faire pour un patient atteint d'akathisie ? Est-ce que ça serait pas par hasard le GEPAN ? C'est une très bonne réponse. Wow, vous êtes médecin, vous êtes secrétaire médical aussi. Bah, oui, j'ai certaines qualités. Oui. Bibounette. Oui, tout à fait. Dans quel jeu télévisé peut-on choisir le thème mystère lors du 4 à la suite ? Là, je vais prendre mon 50-50. Encore ? Ok, oui. Très bien, vous pouvez. Donc, j'hésite entre la A et la C. Donc, le GEPAN et le GEPAN. Tout à fait. La D, c'est pas bon. Le GEPAN aussi. Non. Je vais prendre la A. D'accord. Donc, le GEPAN. Le GEPAN. C'est une très bonne réponse. Ça, je suis contente. Bravo. Ouais. Merci. Saïus. Oui. Sur quel continent se situe l'action des 39 épisodes du dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or ? Oh, c'est facile. Ouais, bah ça, c'est toute autre enfance, hein, le GEPAN. Bah oui. Le GEPAN. Tout à fait, c'est le GEPAN. Bien joué. Bibounette. Oui. Quelle entreprise d'aviation construit notamment les modèles Mystère 2 et Mystère Falcon ? Ah, mais c'est en France en plus, ça, que c'est construit. Donc, je dirais le GEPAN. C'est une mauvaise réponse. Ah non, c'était qui alors ? Les modèles Mystère 2, Mystère Falcon, entreprise d'aviation, c'était le GEPAN évidemment. Ah non. Mmh. Ah oui. Ah moi j'aurais fait la même erreur. Faute d'inattention, je suis désolée. Il y a trop de GEPAN en France qui construisent des avions aussi. Il vous reste une question chacun. D'accord. Tout peut se jouer. On est à combien au niveau des scores ? 138 pour Dr Zaius, 3 pour vous, Bibounette. Ah ça pas beaucoup. Vous sentez de 2, hein. C'est très serré. Un petit peu, oui. Mais oui. Mais il reste une question, cette question peut tout changer. Ah, oui. D'accord. Docteur Zaius. Oui. Quel mot masculin synonyme de honte et de déshonneur est associé au tyran et au perfide ? Ça, c'est pas évident. J'ai déjà utilisé le 50-50 en plus parce que j'hésite entre le GEPAN et le GEPAN. Mmh. Mais là. Alors, il vous reste 7 fois la solution de prendre un 50-50. Hein. Ah, alors je prends le 50-50, oui, je prends... Donc, mais vous éliminez lesquels, du coup ? J'élimine le GEPAN, la D, et le GEPAN, la A. Donc je garde D, le GEPAN, et C, le GEPAN. D'accord. Donc il vous reste le GEPAN et le GEPAN. Vous avez fait un choix ? C'est chaud, hein. Faites attention. Bah, je dirais le GEPAN. Vous dites le GEPAN ? Oui, le GEPAN. La bonne réponse était le GEPAN. Ah putain ! Non mais vous aviez raison, c'était le GEPAN. Ah, c'était le GEPAN. Mais oui, mais oui. Excusez-moi. Oh, j'ai eu peur. Hein. Ouais, j'ai eu peur pour vous là. Instant, là. Oui, oui, non. Excusez-moi. Bibounette. Oui. Quelle apparence ont certains insectes ou petits animaux dits polymorphes ? Ah, ça c'est très facile, on les étudie souvent au secrétariat médical, là, oui. Là où j'exerçais. Et puis il faut couper les mouches. Voilà, tout à fait. Et sans hésiter, c'est le GEPAN. C'est une mauvaise réponse. Mais décidément, j'ai que des mauvaises réponses. Et vous gagnez la partie. Ah, vous mais c'est formidable. Mais quels sont les scores du coup ? Quels sont les scores du coup ? Les scores ? Oui. Eh ben, vous êtes à 128. D'accord. Contre 7 pour Dr Zaius. Oh, non, mais c'était. J'aurais pas dû dire le GEPAN la dernière. C'est. Ouais, je suis vraiment désolée. Ouais. Non, mais moi, vous avez bien joué. Faut savoir si vous êtes vaincu. Vous avez bien joué. La culture générale, le GEPAN, c'est facile. Principalement le GEPAN, d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Bah, en tout cas, je vous serre la main de bon cœur, mon cher docteur Zaius. Pareillement, c'était un plaisir et un honneur. Je souhaiterais d'ailleurs partager mon prix avec vous. Oh, oui. Oh oui, ça c'est vraiment très gentil. Je vous en prie. Donc, nous arrivons donc au terme de cette émission avec un score de 28 à 12 pour Bibounette. D'accord. Très bien joué. Bravo. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot avant de quitter ce jeu, peut-être ? GEPAN. Oui. Et moi aussi, si je pourrais passer un message à mes amis, je tiens à leur dire le GEPAN. D'accord. Ah, d'ailleurs, je tiens aussi à remercier ma famille pour tout ce qu'ils m'ont donné, le fait de savoir gober des mouches, parce que ça se transmet de génération en génération. Évidemment. Et je tiens à leur dire le GEPAN. D'accord. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Merci de nous avoir suivis. Un très bon GEPAN à vous tous. Un très bon GEPAN. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, bon GEPAN. Merci. À plus, bye bye. c'était fabuleux.